Section 1 de La grammaire de Mademoiselle Lily. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La grammaire de Mademoiselle Lily, par Jean Massé. 1. Une envie de Mademoiselle Lily. Mademoiselle Lily connaît ses lettres sur le bout du doigt. Elle sait lire maintenant dans les livres à images. Mais cela ne suffit plus. Elle n'a pas encore appris la grammaire. On vient de dire à Mademoiselle Lily que la grammaire est pour les grandes demoiselles. Et Mademoiselle Lily se trouve assez grande demoiselle pour la grammaire. Elle demande une grammaire à sa maman. La maman tire de l'armoire un livre mal cartonné, imprimé en toutes petites lettres sur un mauvais papier gris. « Fille, c'est là une grammaire ? Ça n'est pas amusant de lire dans ces vilains livres-là. » Fin de la section 1, enregistrée par Ezoa, en Belgique, en mars 2021.